bombes dans notre pays. Tu as vendé un vin. L'Europe n'est pas épargnée. Elle est touchée de plein fouet. Islam, terroriste. Islam, terroriste. Islam, terroriste. Islam, terroriste. Nous devons riposter pour être enfin libérés. Il faut brûler toutes ces mosquées pour que le sang cesse de couler. Islam, terroriste. Islam, terroriste. Islam, terroriste. Islam, terroriste. We'll be right back.